t'es posé sur moi. D'où tu viens, je ne sais pas. D'un merveilleux endroit. Je ne vais pas pleurer, pas déjà. Tu t'es posé sur moi, tout plié, plein d'émoi. Je te cache un peu ma joie. Je ne vais pas pleurer, pas déjà. Tu t'es posé sur moi. Je sens tout ton corps, petit poids, minuscule entre mes doigts. Je ne vais pas pleurer, pas déjà. Ce monde est à toi, il est un peu tordu comme ça. Mais il est chouette, tu verras, on le rendra beau pour toi. Sur moi sans cri, sans pleurs, léger comme le bonheur. Il y a tant de couleurs à mettre dans ton cœur. Tu restes posé sur moi, je sens tout ton corps, petit poids, minuscule. Je sens tout ton cœur contre moi, qui vit fort comme il bat. Je vis fort ce moment-là, avant que tu t'envoles loin de moi. Sur moi, d'où tu viens, je ne sais pas. Qu'importe, tu es là, je ne vais pas pleurer, pas déjà. Tu restes posé sur moi, je sens tout ton corps, petit poids, minuscule entre mes doigts. Si je pleure, ce sont des larmes de joie.